Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. On fait souvent de Giacomo Casanova un Don Juan avide de performances sexuelles, un dissimulateur cynique et immoral. C'est sans doute confondre le personnage et sa caricature. Le parcours du voyageur vénitien a certes de quoi brouiller les pistes. Aventurier, amant de quelques 120 femmes, exilé aux 1000 métiers, l'homme a fait de sa vie une œuvre. Mais il a aussi construit une œuvre à partir de sa vie. Le récit dont il commença la rédaction en français en 1790, quelques années avant sa mort, manuscrit de près de 4000 pages intitulé « L'histoire de ma vie », en est le témoignage principal. En 2012, pour Une vie, une œuvre, Françoise Estève proposait de nous faire découvrir Casanova l'écrivain dans une émission réalisée par Pascal Rayet et diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 décembre 2012. C'est un conteur. Et avant d'être un écrivain, avant d'être l'auteur de l'histoire de ma vie, hein, parce que c'est le nom exact de ses mémoires, c'est quelqu'un qui raconte. Et on se demande dans quelle mesure il ne vit pas pour raconter. Il s'agit de se mettre en scène. Ses parents sont comédiens et... C'est peut-être, comment dire, l'origine de sa représentation de la société comme un théâtre et de sa façon d'écrire comme une pièce de théâtre. Les belles phrases qu'il enfile, la façon gracieuse dont il les estropie, son érudition rare, ses bévues savantes sont autant d'images, d'éclats de fantaisie, d'ombres, de larves et quasiment de rêves momentanés et éphémères qui naissent chez lui par un effet de vraie reminiscence. Pour être un pareil Arlequin, il me semble nécessaire d'avoir lu une quantité de livres, d'avoir entendu discourir mille sortes de personnes, de posséder une mémoire immense, un esprit unique et une pratique extrême du corps humain. Lui, il a vécu beaucoup de fois et c'est un joueur aussi. Donc il rejoue sans cesse son destin et quand une voie est barrée, il est prêt à en prendre une autre. Donc Lydia Flem, ça lui arrive plusieurs fois dans sa vie puisqu'il a un travail juridique, pas longtemps. Il va essayer une carrière dans l'église, il va se retrouver violoniste, il est un temps fils adopté du seigneur Bragadin, il joue les alchimistes à Paris avec Madame Durfé, il écrit des pièces de théâtre, il imagine la première loterie à Paris, il s'occupe de teinture, de tissu en Espagne, enfin, il veut proposer à Catherine de Russie de changer le calendrier. C'est quelqu'un qui, au fond, comme un comédien qui joue plusieurs rôles. C'est son histoire de ma vie est remplie d'intrigues. Et il ne faut pas parler que de l'histoire de ma vie. Il a écrit beaucoup de choses, des choses savantes, des traductions du grec, trois volumes d'histoire de la Pologne, ce qui paraît un peu surprenant, mais il a vécu un temps là, il s'y est intéressé. Et comme tout ce qu'il fait, il le fait avec énergie. Et il a écrit aussi un roman utopique. Il est dans un miroitement et dans la réinvention de soi permanente. Michel Delon. Il est dans cette liberté, cette errance, cette fugue, dans cette recherche d'une identité où il joue et jouit de ses grandes marges, hein, à une époque où à la fois il y avait un ordre très prégnant, mais où il suffisait de passer une frontière pour pouvoir recommencer à zéro, souvent. Casanova est notre fantasme, puisqu'il appartient à cet ancien régime de l'identité où on pouvait avoir des statuts différents, des vies différentes. Il est toujours fugitif, c'est toujours J'ai toujours dans une situation un peu précaire, livré à la fortune, au sort, dont qu'il invoque tout le temps. Hein. C'est la philosophie de la providence. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'esprit, beaucoup d'humour, beaucoup de répartie. Et quand il croise Madame de Pompadour à Paris, qui lui dit « Alors, vous venez de là-bas » il lui répond « Non, Madame, Venise n'est pas là-bas, elle est là-haut. » Musica, musica, musica. Casanova n'incarne-t-il pas l'artiste par excellence de la Venise du XVIIIe siècle, Michel Delon ? Oui, un artiste de sa propre vie. Son œuvre d'art, c'est sa propre vie. Mais vous avez raison de dire qu'on comprend difficilement Casanova si on ne le resitue pas dans la Venise du XVIIIe siècle, qui croit être toujours un grand état dans la géopolitique européenne, alors que c'est un tout petit état qui se survit grâce à l'art et à ce qui ne s'appelle pas encore le tourisme. Hein, c'est l'époque où, à Venise, on a le plus grand nombre d'opéras de toutes les grandes villes européennes et une grande école de peinture. Et la famille de Casanova est une famille de comédiens, de chanteurs, et même les frères de Casanova sont des peintres, et même des grands peintres. Hein. Et le personnage de Giacomo Casanova prend un autre sens, je crois, lorsque on le replace dans cette Venise de l'art, c'est-à-dire de l'art lyrique et de la couleur, parce que l'école de peinture de Venise se caractérise, à la différence de Rome ou de Florence, par la couleur. Et d'une certaine manière, notre Casanova est aussi un grand chanteur et un grand coloriste. Il a été musicien pour un temps, il joue du violon. Oui. Et il peut toujours se produire dans la vie mondaine, il sait parler, il a une culture latine, un peu grecque, italienne bien sûr, au bout d'un certain temps française. Il sait jouer du théâtre, hein, il a des ressources. Sulla strega! Come ti te chiami? Giacomo Casanova. Abracadabra, abracadabra, malamocco, malamocco. Alors jusqu'à l'âge de 8 ans, Casanova déclare ne pas avoir eu de souvenirs. Quel est le moment fondateur de la naissance de la mémoire chez Casanova, Lydia Flemm ? Alors, c'est assez contrasté parce que l'enfant, le jeune Casanova, était, au fond, personne ne pariait sur sa vie. Il saignait du nez abondamment, il avait l'air presque idiot, enfin hors du monde, sans intérêt pour personne, et donc sa mère va le désinvestir tout de suite, et heureusement pour lui, il a une grand-mère attentive. Et cette nonna, un jour, l'emmène voir une sorcière à Murano. Alors c'est une très belle scène qu'il décrit comme un moment clé, fondateur, puisque ça va l'éveiller au monde, à sa curiosité et à son intelligence. Alors vrai ou faux, bien sûr on n'en sait rien, mais la scène est comme une scène primitive, magique, magnifique, où la sorcière a sans doute des gestes et des pratiques de renaissance. Elle l'enferme dans un coffre, elle prononce des paroles mystérieuses, il y a des auteurs, on a le sentiment que voilà, quand il va sortir du coffre, c'est comme si il renaît à la vie, et cette sorcière lui promet que dans la nuit, il verra une femme merveilleuse, une sorte de fée, qui, dit-il, vient le visiter et lui fait promettre de taire, évidemment, ses pratiques magiques. Alors, c'est très beau parce que les femmes lui redonnent la vie et en même temps, ce sont des pratiques magiques dont il va lui-même user, comme on sait, tout au long de sa vie. Et donc, d'emblée, on pourrait dire que l'intelligence chez lui et la curiosité et la mémoire sont liées à la raison, mais aussi à l'intuition. ce n'est pas que la rationalité chère au XVIIIe siècle qui va lui ouvrir les portes de sa vie, mais aussi des choses de l'ordre de, voilà, de l'ombre, de l'intuition, du mystère. Et à ce moment-là, il va découvrir qu'il peut parler, il peut apprendre, et il apprend très très vite à lire, à écrire. Alors ensuite, donc, on l'envoie en pension à Padoue, hein. Alors il a une formule, c'est une des très rares formules où on peut presque deviner une amertume, puisqu'il dit « c'est ainsi qu'on se débarrassa de moi ». Gérard Laouetti. Il fait des études, donc d'abord il est en pension chez l'abbé Gozzi, qui s'intéresse à ce garçon visiblement très doué. Donc, et en pension, il découvre, avec la sœur de l'enseignant qui s'occupe de lui, l'abbé Gozzi, il découvre, c'est assez difficile à dire, mais la séduction féminine, le mensonge féminin, l'hystérie féminine, avec une jeune fille, Bettine, qui a 14 ans, je crois, lui en a 11 à peu près. Donc, il découvre la jalousie, et puis il évoque des scènes tout à fait surprenantes, où on croit la jeune fille possédée, un exorciste vient, donc là, il y a un récit tout à fait passionnant. Le monde étudiant, donc, très jeune, alors ça nous surprend beaucoup, puisque il est à l'université, il doit avoir 12 ans, 13 ans, donc, il mène la vie, là, des étudiants, avec, une vie pas toujours très, très calme, avec des rixes, des choses comme ça. Il dit, on n'en a pas tout à fait la preuve, mais je crois qu'on peut lui faire confiance, qu'il a obtenu un doctorat en droit ecclésiastique. Et un événement qui va très tôt le livre à lui-même, c'est la mort de sa grand-mère, puisque sa mère est partie, son père est mort, donc, et sa grand-mère meurt. Donc là, il a 16 ans, 18 ans, pardon, donc, il est livré à lui-même, et dit-il, il est bien obligé de faire fortune par lui-même. C'est vrai que cet enfant a du mal à accoucher de l'adolescent qu'il sera. Jean-Didier Vincent. Qui sera un adolescent fugueur, révolté, libertaire, déjà, coureur de filles, intrigant, qui met très vite en place le système Casanova. Qu'est-ce que le système Casanova ? Le système Casanova, c'est de vivre du jeu, du hasard, de l'instant, donc, qui lui est favorable ou défavorable, et il dissipe l'argent qu'il va gagner, soit malhonnêtement, soit au jeu, et quelquefois les deux à la fois. C'est donc un homme de hasard, Il l'est dès le début, il est un enfant de fortune, il va très vite vivre un peu au dépens des autres, au dépens de ce qu'il appelle des dupes. Et voilà les éclairs qui se succèdent, le tonnerre qui gronde, et la pauvre femme qui tremble. La pluie commence. J'ôte mon manteau pour l'employer à nous couvrir par devant tous les deux. Et après qu'un grand éclair a annoncé la foudre, nous la voyons éclater à 100 pas devant nous. Les chevaux se cambrent et ma pauvre dame est prise par des convulsions spasmodiques. Elle se jette sur moi, me serrant étroitement entre ses bras. Je m'incline pour ramasser le manteau qui était tombé à nos pieds. Une nouvelle foudre éclate et la frayeur l'empêche de se mouvoir. Voulant remettre le manteau sur elle, je me l'approche et elle tombe positivement sur moi, qui rapidement la place à califourchon. Comprenant que si elle ne m'en empêchait pas bien vite, elle ne pouvait plus se défendre, elle fait un effort, mais je lui dis que si elle ne fait pas semblant d'être évanouie, le postillon se tournerait et verrait tout. En disant ces paroles, je laisse qu'elle m'appelle impie tant qu'elle veut, je la serre au croupion et je remporte la plus complète victoire que jamais habile gladiateur ait remportée. Il n'a pas de fortune personnelle et il veut vivre dans le monde de l'élite, de l'aristocratie européenne. Donc comment y parvenir ? Eh bien, en trouvant une fonction. Alors, quand il est jeune, il trouve tel ou tel patricien à Venise dont il est l'amuseur, d'une certaine manière. Il est prêt à être aussi le fournisseur de jeunes femmes, de tel ou tel personnage. Mais au fur et à mesure qu'il vieillit, il échoue dans une grande carrière religieuse. Il l'abandonne très vite. Très vite. Rome, pourtant, il aimait beaucoup. Cette Rome, un peu décadente, libertine, mais... Apparemment, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais Très vite, il a dû s'enfuir, et c'est le moment même où il s'enfuit loin, puisqu'il va jusqu'à Constantinople. Et là, dans son récit, il nous dit qu'il part comme militaire, donc, hein. Il va partir au Levant, donc, hein. Là aussi, il s'est tissé d'aventures, hein. Et bon, l'expérience militaire ne sera pas concluante, en dehors des aventures absolument époustouflantes et qui sont extrêmement drôles et extrêmement riches au plan humain, qui est tout ce qu'il raconte pendant cette période. Alors, quand il revient à Venise, eh bien là, c'est la période la plus difficile. Elle ne dure pas longtemps, elle dure à peu près un an. Il est racleur de violon, comme il le dit, dans un théâtre, donc et il n'a pas de perspective, et le hasard fait bien les choses, hein, c'est autre événement très important, puisque une lettre tombe de la poche d'un, le soir, là, dans la nuit, une lettre tombe de la poche d'un sénateur, il ramasse cette lettre, il la rend au sénateur, le sénateur lui demande, lui propose de le raccompagner chez lui, et il a une crise d'apoplexie, donc dans la gondole, et Casanova, là, avec un sens de l'adaptation tout à fait remarquable, s'improvise médecin, et il convainc le il sauve le sénateur, hein, et, Matteo Bragadin, et il le convainc qu'il est doué de pouvoirs occultes, et le sénateur et ses amis le croient, donc, hein, il dit qu'il a un bon génie qui lui permet de deviner l'avenir. Donc à partir de ce moment-là, donc, hein, pendant 9 ans à peu près, donc, hein, Casanova va devenir une sorte de fils de famille, et il voyage pour son plaisir. Io ho studiato ingegneria, letteratura, e sono versato per l'arte della politica e la scienza dell'economia. Alors, c'est difficile de savoir jusqu'où ce savoir, par exemple médical ou mathématique ou physique, était réel, solide, ou bien il s'agissait d'un vernis, et là encore, c'était son bagout qui en rajoutait, hein, mais tout au long de sa vie, il arrive à tenir des discours qui ont semblé crédibles. Hein, par exemple, lorsque il essaye de vendre au roi de France, et parvient même à vendre au roi de France un système de loterie, eh bien, il se fonde sur un savoir neuf à l'époque, les probabilités, et il arrive, encore une fois, à être crédible. De même, lorsque à Berlin, à Varsovie, à Saint-Pétersbourg même, puisqu'il va jusque là-bas, il rencontre ou les souverains ou des ministres, il arrive à faire croire à un savoir technique. À un moment même, il disserte très très savamment sur les mines en Allemagne, et il a en face de lui des interlocuteurs qui sont prêts à lui confier des missions, à lui faire faire des rapports sur tous ces sujets, et c'est grâce à une base scientifique et culturelle. Donc, il reste le conseiller de prince, celui qui est prêt à amuser, à organiser des fêtes, à animer la mondanité. All'amore io lo sento come un nutrimento, come un turbamento che consuma e non sazia mai. Ogni maschio è tenta. Son principe d'existence, c'est le plaisir, le bonheur. C'est le plaisir et le bonheur, mais toujours le plaisir partagé. C'est, contrairement au libertinage de l'époque, ce n'est pas quelqu'un qui aime les orgies, c'est pas du tout un sadien. Il ne veut en aucun cas ravir le plaisir à autrui, il veut le partager. D'ailleurs, il dira qu'il n'a pas pu faire l'amour avec une femme dont il ne parlait pas la langue. Parce que pour lui, la conversation est essentiel au plaisir du lit. Il faut aussi les plaisirs de la conversation, de la table. Donc le plaisir, le bonheur parce qu'il le cultive, mais il ne s'accorde pas de s'apitoyer sur son sort. Il veut rebondir. Il reprend les mots de Marivaux, saute marquis. mon rendez-vous avec la religieuse dans mon superbe casino à Venise. Je suis heureux. Je me suis élancé entre ses bras brûlants, ardents d'amour, et lui en donnant les plus vives preuves pour 7 heures de suite, qui ne furent interrompues que par autant de quarts d'heure animés par les propos les plus touchants. Chaque découverte que je faisais m'élevait l'âme à l'amour, qui me fournissait de nouvelles forces pour lui témoigner ma reconnaissance. Elle fut étonnée de se reconnaître pour susceptible de tant de plaisir, lui ayant fait voir beaucoup de choses qu'elle croyait fabuleuses. Je lui fis ce qu'elle ne croyait pas permis que je lui fisse. Et je l'ai endoctrinée que la moindre gêne gâte le plus grand des plaisirs. Au carillon du réveil, elle éleva les yeux au troisième ciel, comme une idolâtre, pour remercier la mère et le fils de l'avoir si bien récompensée de l'effort qu'elle avait fait quand elle me déclara sa passion. Dans cette Italie de l'opéra, dans cette Venise des fêtes, des déguisements, souvent, ces grandes émotions érotiques sont liées au travestissement, hein, et à un jeu avec l'identité sexuée. Alors, dans le cas de Thérèse, par exemple, qu'il prétend avoir voulu épouser, qu'il va retrouver plusieurs fois, la première fois qu'il la rencontre, elle prétend être un jeune castrat, être un garçon. Et il y a tout un jeu sur qui est-il, qui est-elle. La jeune femme en joue, mais il semble aussi prendre un très grand plaisir à l'idée que c'est peut-être un garçon. De même, dans l'aventure avec la grande dame inconnue qui voyage incognito à travers l'Europe. Henriette. Il la rencontre d'abord travestie en jeune officier. Il y a besoin de ce jeu. Ungarica domina etiam tu esna. Io. Sono francese. Mi chiamo Henriette. Henriette? Che lingua parli col tuo amante? Non parliamo. Per quello che facciamo, non serve. Casanova aime beaucoup les masques, les travestissements, le brouillage des identités. Oui, je pense que ça, c'est un des ressorts secrets de son existence. C'est quand les choses ne sont pas comme elles apparaissent, ou qu'elles apparaissent autrement qu'elles ne sont. Donc, La surprise. Bon, alors, il n'est quand même pas pour rien un Vénitien. C'est quand même le monde du masque, du carnaval, de la possibilité. Parce que à Venise, les choses étaient très mouvantes. On pouvait traverser plus facilement qu'ailleurs à certains moments. Le carnaval, c'est quand même ça, c'est de pouvoir dire que le monde est à l'envers et que un homme peut se déguiser en femme, une femme en homme, que la société est assez poreuse. Et tout ça le fascine beaucoup, peut-être parce que la différence des sexes raconte aussi quelque chose de la différence sociale. C'est quand même quelqu'un qui est né dans une des classes les plus basses de la société et qui, par son intelligence et ses capacités personnelles, peut rêver d'ascension sociale, on dirait aujourd'hui. Donc, le brouillage des identités lui convient bien parce qu'il va pouvoir quitter ce monde un peu réprouvé et il a, comme souvent, un peu le roman familial qui serait qu'il est né d'un noble vénitien, que sa mère aurait eu une histoire avec un noble et qu'il serait donc le fils illégitime, mais le fils quand même d'un grand de Venise. Et tout ce qui lui permet de sauter par-delà les frontières des genres ou des classes sociales lui convient. Casanova fait de la femme absolument l'égale de l'homme dans le désir, dans la jouissance. Là, je trouve que c'est rare au XVIIIe siècle et au XIXe surtout, et dans les rapports avec les femmes, sauf dans des scènes de viol ou sauf dans des moments où il achète des filles, quand il est dans la séduction, il est dans un rapport d'égalité. Et il est en plus fasciné par les femmes de l'aristocratie où il ose moins oser, comme je dis. Vraiment un bel homme, Casanova. Il était grand, il avait ce beau profil de médaille, un sourire toujours éclatant, une santé que ne venait pas perturber ou qu'il pouvait remettre à un niveau d'étiage convenable grâce à une petite vérole de temps en autre, étant entendu que les véroles lui permettaient après de faire une cure de 40 jours et de remettre, comme il dit, le pays en ordre. Donc, il y avait une vie qui était organisée. J'avais choisi le thème des véroles de Casanova pour montrer que c'est la maladie quand même qui va scander la vie de cet homme qui est l'homme en meilleure santé que l'on puisse rencontrer. Ma chi è questa Enrichetta? Chi è questo inestimabile tesoro di cui sono diventato padrone? Ma è davvero possibile? Oh stelle, ditemelo voi! Gridatelo dalla profondità del vostro cielo che il felice mortale cui appartiene questa meravigliosa creatura è Giacomo Casanova, lui solo. La rupture avec Henriette, qui a été le seul véritable amour de sa vie, un amour qui l'a fait souffrir. Il a du mal à se remettre d'Henriette. Il pense même à rentrer dans les ordres, mais il va trouver plus commode de faire une vérole qui l'attrape aussi dans des conditions un peu par surprise avec une femme qui l'escroque, qui fait l'amour avec lui en lui faisant croire qu'elle est une autre avec qui il avait rendez-vous. Quand il va revoir sa mère aussi, chaque fois qu'il y a une situation critique, il fait une vérole. Vérole, c'est on arrête tout, on remet le pays en place, c'est-à-dire régime, c'est un maître des régimes, régime très sévère. Quelquefois, il aura recours au mercure. C'était dur, c'était très très dur, voilà. Giacomo Casanova, sei colpevole di esercizio della magia nera, di possedere libri malvagi condannati dall'indice, di essere autore di scritti eretici e di disprezzo alla religione. Io, Messer Grande, per ordine degli inquisitori di Venezia, in questa ti dichiaro in arresto perché tu sia passato sotto i piombi. Le grand moment terrible. Michel Delon. C'est quand, à Venise, il est arrêté par l'Inquisition. Il faut se souvenir que Venise est donc une république, une oligarchie dirigée par les grandes familles, et que l'ordre est maintenu par une inquisition qui est pas religieuse, mais qui est une inquisition de la république, qui contrôle tout ce qui se passe, qui a des espions, et Casanova est surveillé par les inquisiteurs. Et pour quelle raison? Alors, il vit aux dépens de riches familles, il aurait des livres de magie, c'est un séducteur. Et à côté des livres de magie, il y a son arétin, qui est un livre de figures érotiques qu'il a toujours sur lui. Donc, tout cela fait beaucoup pour le bon ordre de la République, et donc, il est arrêté. Et il est envoyé dans une prison qui avait une sinistre réputation à l'époque, c'est-à-dire les plombs, qui étaient en haut du palais des Doges, sous les toits. La toiture était tenue par des éléments en plomb, ce qui veut dire qu'il faisait très froid l'hiver et très chaud l'été. Il va passer presque un an là. Et alors, lui qui était un homme de plaisir, tout d'un coup est réduit à la solitude et il ne sait pas quand il va sortir. Et je dis souvent que c'est un traumatisme pour Casanova et je crois qu'il n'en guérira jamais. Son récit est passionnant parce que à la fois il dit la terreur qu'il a eue au début ou quand il a pris conscience de ce qui lui arrivait et puis ensuite il y a des scènes extrêmement drôles et il prépare une évasion spectaculaire dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, donc 15 mois de cachot, eh bien, comme il dit, il risque la mort et il gagne la liberté. Au moment où on l'arrête, en effet, à Venise, il s'est paré d'un habit de noces pour un peu narguer, évidemment, les autorités et dire, voilà, moi, je pars au bal, enfin, je ne suis pas le prisonnier que vous imaginez me faire devenir. Au moment où il a enfin l'occasion de s'évader de la prison des plombs, le seul costume qu'il a depuis plus d'un an dans sa cellule, c'est cet habit de noces. Alors ça va être sa chance, parce qu'au moment où il arrive à quitter sa cellule, à rentrer dans le palais des doges, et qu'un gardien l'aperçoit, ben il voit un homme avec un grand chapeau, des plumes, des dentelles, et il s'imagine évidemment pas que c'est un prisonnier, et il lui ouvre la porte. Tu sei a Parigi! Bellissima Parigi, la città dei Mazzarino, dei Racine, di Voltaire, Parigi! Et là, c'est vraiment l'aventurier. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a un peu brûlé ses vaisseaux, qui s'enfuit de Venise, donc qui sera exilé. On oublie souvent que ces 19 ans d'aventure, ce sont 19 ans d'exil. Et c'est à ce moment-là qu'il va voyager en dehors de l'Italie et faire le tour des grandes capitales européennes. Et une étape importante dans sa vie, c'est Paris. Ensuite, il a surtout trompé une pauvre grande dame française. La marquise d'Urfé. Oui. Mais là, en jouant d'un autre registre, son côté magicien, mage, hein, puisque cette dame un peu vieillissante rêvait de découvrir le moyen de vivre éternellement ou de se survivre et lui a fait croire qu'il possédait des secrets, et pendant quelques années, il est arrivé à se faire entretenir par elle. Moi, je dis, c'est un épisode un peu trouble, parce que, effectivement, Casanova la convainc qu'il est capable de la faire renaître elle-même, donc, hein, dans le corps d'un enfant qu'elle portera. Gérard Laouati. D'un enfant mâle, donc. Hein, et, alors, on va voir des mises en scène délirantes, parfois effarantes. Hein. Alors pour Casanova, il présente ça comme un jeu, si vous voulez, mais quand on réfléchit à la logique de cette histoire, on ne peut pas s'empêcher de penser que bon, ben, la conclusion de cela, si elle doit renaître dans le corps d'un enfant mâle, ben, c'est qu'elle-même aurait dû disparaître. Cet enfant, c'est lui qui se charge de le lui donner. Oui, parce que bon, il faut bien qu'il paye de sa personne, si je puis dire. Hein. Et alors il fait des mises en scène qui d'un bout à l'autre de la France, il la promène, cette pauvre marquise, donc, et il fait une mise en scène où il utilise simultanément une comédienne pour le mettre en état de satisfaire le désir de Madame d'Urfé. Donc, c'est un épisode intéressant parce que dans ce 18e siècle rationaliste, on voit quand même l'étendue des superstitions, la force des superstitions, et avec Casanova, on peut souvent en mesurer l'importance. Quel regard portez-vous, Jean-Didier Vincent, sur les tentatives cabalistes sur l'approche de Casanova, sciences occultes? Ça, c'est très important, c'est une part importante. Avec Cagliostro, qui était son ami et rival, et le comte de Saint-Germain, personnalité assez mystérieuse elle aussi, qui était de simples escrocs, chevalier d'Éon aussi. Il fait partie de ces escrocs qui étaient en même temps des sortes de mages qui prédisaient l'avenir, qui donnaient des recettes, etc., comme Cagliostro. Et alors il avait une cabale, il avait un jeu de chiffres et de choses, il tirait les cabales. Comme tous les grands cabalistes, il savait exactement ce qu'il cherchait, donc il le trouvait. Mais en même temps, je ne sais pas si à son usage personnel, il ne croyait pas un petit peu dans les sorts. Mais il provoque la terreur superstitieuse, mais il est un peu, comme il est un homme extrêmement sensible... Il est son premier spectateur, c'est-à-dire que chaque fois qu'il va organiser des mises en scène, des duperies, etc., le jeu l'emporte. C'est comme les bons mythomanes, et il y a une part foncière d'honnêteté derrière eux, et ils mettent toujours la vérité à contribution dans les pires mensonges qu'ils racontent. Mais en même temps, Jean-Didier Vincent, vous considérez que Casanova a une véritable connaissance des sciences occultes et de certains livres magiques. Il a un savoir. Il a un savoir parce qu'il y a d'abord un corps doctrinal, il y a le Mutius Liber, il y a les clavicules de Salomon, etc. Tous ces objets, il l'a lu. On lui a même reproché pour le mettre en prison d'avoir trouvé des livres de magie chez lui. Hein. Et lui avait de grandes connaissances pour manipuler le mercure, par exemple, pour faire. Il a fait des coups là quand il était à Naples pour piper le poids du mercure et tout ça. Il avait de très grandes connaissances. Et puis il a eu, vous le savez, on le cite toujours, une communication à l'Académie de Berlin qui a été sur la résolution de la quadrature du cercle ou quelque chose comme ça, qui ressemblait, c'est-à-dire un problème de mathématiques assez complexe auquel il apportait des solutions qui n'étaient peut-être pas les bonnes, mais qui étaient en tout cas extrêmement pertinentes, puisque sa communication a été retenue. C'était un savant. Alors, autre épisode, la vie de Casanova, là, quand il est aventurier, c'est une vie en épisode. Hein. Il va en Angleterre, et là, il vit une histoire, comment dire, qui n'est pas dans le ton habituel des récits de Casanova, puisqu'il raconte, par le détail, un échec amoureux qui l'a conduit au bord de la folie, au bord du suicide. Hein. C'est un des très beaux épisodes de l'histoire de ma vie, c'est l'épisode de la Charpillon, donc. Hein. Une prostituée qu'il a déjà rencontrée, mais dans un magasin quelques années auparavant. Et il en est follement amoureux, mais elle se moque de lui, elle le berne, elle fait tout ce qu'elle peut pour le faire enrager, si bien qu'il est au-dessus de la Tamise, là, je crois que c'est sur Westminster Bridge, et il est prêt à sauter. Et bon, comme toujours chez Casanova, il y a un renversement de situation, et ça se termine par une soirée chez les filles. C'est en 1764. En fait, c'est ça qui est très surprenant, c'est qu'on imagine toujours que Casanova est un Don Juan. Or, il est exactement l'inverse. Il est sincère, il aime. Même si jamais il ne veut se fixer, ou s'il le croit, très vite, il se rend compte qu'il sera un mauvais mari et qu'il vaut mieux être un bel amant. Il parle de lui en disant qu'il est un homme sans conséquences. Lydia Flem. Il faut dire aussi que, par honnêteté intellectuelle, nous devons quand même essayer de nous représenter le XVIIIe siècle où les femmes avaient une forme de liberté aussi dans l'amour. On oublie, on pourrait dire que l'amour de Casanova, c'est un amour baroque, c'est un amour, en effet, de l'instant, extrêmement nourri, extrêmement complexe, mais fugace, mais intense, parce que, c'est éphémère. Alors, je pense qu'on doit quand même faire cette transformation difficile d'essayer de se mettre dans ce siècle où les femmes ne sont pas des victimes, où les femmes sont partie prenante. Ne sachant que trop, que nous n'avions qu'une demi-heure, nous devînmes dans une minute un seul individu. Au fait du bonheur et dans l'ivresse du contentement, je me trouve surpris d'entendre sortir de la bouche de Donna Lucrezia les paroles « Ah, mon Dieu, que nous sommes malheureux !» Elle me repousse, elle se rajuste, le cocher s'arrête et le laquais ouvre la portière. « Qu'est-il arrivé ?» lui dis-je, me remettant en état de décence. « Nous sommes chez nous. » Nous avons en tête évidemment le Don Giovanni de Mozart, où on voit bien que Don Juan, au fond, trompe, ment, tue, viole. Mais Casanova n'est pas ce personnage-là, peut-être justement parce qu'il n'a pas le sens du péché, ce qui est quand même très présent chez Don Juan. Casanova veut un amour joyeux, un amour léger, et il aimerait que ce soit partagé. Il aime rencontrer des partenaires qui veulent la même chose que lui. Et pas des partenaires qu'il faut forcer. Ça ne l'intéresse pas. Il veut un échange parce qu'au fond, il a très peur des femmes. Il a très peur de la colère des femmes. Et il a quand même eu une mère qui s'est éloignée de lui. Et on peut dire qu'elle l'a abandonné. Oui, on peut dire qu'elle l'a abandonné. Et donc, l'abandon des femmes, c'est sa terreur. Il se défend d'être libertin, alors ça peut faire sourire, mais il n'est pas du tout libertin au sens du libertinage cérébral Il a construit un système qui est la seule vraie perversité de Casanova, je crois, c'est sa morale. Là, on a quand même une morale perverse, parce que, si je me souviens bien, la base de sa morale, c'est il l'écrit, ça. Il écrit « N'ayant pas de remords, je ne peux pas être coupable ». Et il conclut quand même sa morale, assez souvent, en disant « Si je ne l'avais pas fait, quelqu'un l'aurait fait, il aurait fait pire que moi ». Tantôt, il est très libre, il semble un libre penseur. Tantôt, il a des formules qui semblent dire que, malgré tout, il accepte assez facilement la religion établie et qu'il n'est pas question de mettre en cause cet ordre-là. À Varsovie, c'est la cour de Stanislas, et il se bat en duel avec le favori du roi. Donc, il va raconter cette confrontation, avec un bras en écharpe, ce qui rend les choses encore plus vivantes. Et le premier texte qu'il écrira, c'est Il Duello en Italie. En italien, c'est le récit de ce duel. Et ensuite, le deuxième texte, et c'est les éléments matriciels de l'histoire de ma vie, c'est L'évasion des plombs. Et ce qui marque peut-être un tournant, c'est qu'il publie son premier livre avec une ambition. L'ambition est double. C'est une réfutation d'un livre qui critiquait Venise, « Confutazione del libro ». Et on sent que s'il écrit ce livre, c'est pour réfuter une critique de Venise, donc c'est pour rentrer en grâce auprès de ceux qui l'ont incarcéré. Il voyage en Italie. Il donne l'impression, là, en Italie, de plus très bien savoir où il va. Il parle de sa folie vagabonde qui lui devient insupportable. Il s'installe à Trieste. Il rend des services à Venise, dans des histoires commerciales. Il publie une histoire des troubles de la Pologne. Nous sommes en 1974. Le récit de l'histoire de ma vie s'arrête là. Et s'arrête, bizarrement, après le plus beau jour de sa vie, c'est en septembre 74, je crois le 13 septembre 74, il reçoit sa grâce des inquisiteurs d'État vénitiens et il dit que ça a été le plus beau jour de sa vie. On a des témoignages où on nous dit qu'il a reçu le sauf-conduit, il s'est mis à pleurer, il l'a embrassé et il dit dans des lettres que ça a vraiment été le plus beau jour de sa vie. Alors, son retour à Venise, donc, il a 50 ans, 49 ans, on est en 74, eh bien, comme quelqu'un qui s'est absenté pendant 19 ans, il retrouve peut-être pas, en tout cas, il n'arrivera pas à retrouver sa place à Venise. Il a essayé de se construire une vie d'écrivain, d'impresario de théâtre et d'écrivain. Alors, ce qui est plus lamentable, je crois qu'il n'y a pas d'autres mots, c'est-à-dire, il devient indicateur de police au service de ceux qui l'avaient fait arrêter. Il est indicateur, payé au rapport, d'abord recruté, ensuite payé au rapport. Et la nouvelle catastrophe, c'est quand il à la suite d'un problème financier, il se dispute avec un aristocrate vénitien. Il publie un livre, Ni amour ni femme, ou Les écuries à nouveau nettoyées. Et c'est un pamphlet où il dit, avec des clés, il ne nomme pas, mais tous les Vénitiens comprennent, il attaque de front cette aristocratie vénitienne, il nomme les gens, il préfère partir avant d'être incarcéré à nouveau. Là, c'est assez pathétique parce que dans une lettre, il dit « J'ai 57 ans, quand je me regarde au miroir, l'idée de redevenir aventurier me fait rire. » Je sens que je mourrai, mais je veux que cela arrive malgré moi. Mon consentement sentirait le suicide. Et son dernier statut, ce qui devient un métier même, ce qui pour Casanova est le comble de la déchéance, avoir un métier, alors qu'on rêve d'être un grand aristocrate, eh bien, c'est de devenir bibliothécaire du comte de Waldstein, dans une des résidences un peu perdues de Waldstein, au milieu de la bohème germanophone. Il est comme ça payé pour s'occuper des livres. Il a pu croire un moment que c'était une fonction agréable. Deux, trois fois dans sa vie, il a rêvé comme ça. Par exemple, d'entrer même dans un couvent parce qu'il y avait une très belle bibliothèque. Puis en regardant, il s'aperçut que la bibliothèque, quand même, il y avait beaucoup, beaucoup de livres de pure théologie et, ou de droit canon. Donc, il n'a pas persévéré. Alors, il va passer 13 ans à Dux, donc. Hein. Ce sont les 13 années d'écriture. Ce ne sont pas des années sereines. On pourrait penser qu'au fond, il était arrivé au port. Et, ce sont des années où le prince de ligne qui l'a côtoyé fait un portrait de lui, comment dire, avec une certaine... Il admirait Casanova, mais dans son portrait, il y a un tout petit peu de condescendance. Il le décrit comme quelqu'un qui n'est plus de 100 ans, quoi, qui appartient à une autre époque, qui est un peu ridicule, qui a des conflits domestiques incessants, qui exige ses macaronis cuits d'une certaine façon, qui se plaint parce qu'il n'y a plus de fraises au moment d'un dîner, qui a une tenue vestimentaire d'autrefois, qui danse le menuet comme on ne le danse plus. Mais ce qui me paraît plus important, moi, c'est ce qu'il aurait pu ressentir comme un échec... disons intellectuel. C'est un homme qui a toujours voulu avoir une reconnaissance comme écrivain. Il porte le désir de la littérature, de l'écriture, depuis sa jeunesse. Il dit qu'enfant ou très tôt, il a eu le goût de la poésie italienne. Son modèle, c'était Voltaire. Alors nous, cette vie nous paraît flamboyante, parce qu'il la raconte comme une vie flamboyante. Mais si on s'imagine un peu ce que devait penser de ce parcours, le vieil homme de Dux, avant qu'il ne réenchante tout cela, par rapport à l'itinéraire de Voltaire, par exemple, c'était pas comparable. Je pense que c'est contre ce sentiment d'échec, peut-être, qu'il va construire une sorte d'utopie qui est le récit de sa vie. Mais les 13 dernières années de sa vie, comme on sait, il les consacrera à l'écriture et il va, pour moi, faire une opération, la plus belle opération magique qu'on puisse faire, c'est transformer sa vie en écriture, transformer sa vie en œuvre. C'est un philosophe aussi, Casanova. Il nous dit, vivez le présent de la vie, et quand la vie s'étiole, quand elle vous échappe, revivez-la par la mémoire et l'écriture. Enivrés tous les trois par la volupté et par les frustratoires, et transportés par des continuelles fureurs, nous fîmes dégâts de tout ce que la nature nous avait donné de visible et de palpable, dévorant à l'envi tout ce que nous voyons et nous trouvant devenus tous les trois du même sexe dans tous les trios que nous exécutâmes. C'est un immense écrivain, quoi. Son style surtout. Il y a cette sorte de sens narratif qui est unique. Il rejoue sa vie, il parle de sa revie. C'est extraordinaire parce que si vous lisez le tome de l'enfance de Casanova, vous voyez que le style est vraiment comme s'il les vivait au présent, avec une rapidité de pensée, un goût de l'instant, l'instant qui passe fugitif, de lequel il bondit d'instant en instant. Tout ce qu'il raconte, il l'a fait et il ne se donne pas le beau rôle. Il est là comme un acteur qui revit ce qu'il a vécu et c'est le fait qu'il revive. C'est son brevet d'authenticité. Non, moi, je ne mets pas en doute du tout les faits qui sont racontés, même si elles sont toujours arrangées. Si vous n'êtes pas un peu menteur, vous ne pouvez pas faire un bon romancier. Alors, quand c'est le roman de votre vie, eh bien, il faut un peu mentir sur sa vie, parce que sinon, ce n'est pas drôle, quoi. Il y a des temps morts, il y a des choses comme ça, donc il accélère le rythme, mais quel rythme ? Est-ce que Casanova a créé un style littéraire avec l'histoire de ma vie ? J'aurais tendance à dire oui, bien que pendant très longtemps, on ait répondu qu'il écrivait mal. Je trouve que ce français matiné d'italianisme, de latinisme souvent, hein, il y a des phrases construites comme du latin, eh bien, introduit dans la langue française qui restait très classique, très abstraite, la langue des moralistes de la princesse de Clèves, il introduit les saveurs, les odeurs, toute une série de détails sensuels qui, je trouve, auparavant, n'étaient pas là. Là, il y a une dignité des odeurs, des fromages qui sentent trop fort et de l'odeur de la sueur des femmes. J'ai l'impression que c'est l'une des premières fois qu'on parle positivement et avec émotion de la sueur d'un corps aimé. Après avoir fait du punch, nous nous amusâmes à manger des huîtres, les troquant lorsque nous les avions déjà dans la bouche. Elle me présentait sur sa langue la sienne, en même temps que je lui embouchais la mienne. Il n'y a point de jeu plus lascif, plus voluptueux entre deux amoureux. Il est même comique, et le comique n'y gâte rien, car les ris ne sont faits que pour les heureux. Quelle sauce que celle d'une huître que je hume de la bouche de l'objet que j'adore. C'est sa salive, il est impossible que la force de l'amour ne s'augmente quand je l'écrase, quand je l'avale. Hein ? Quand même ! Quand même ! Et alors, c'est la première fois qu'on dit ça en français. Les Italiens prétendent que c'est moins bouleversant en italien à l'époque. Mais en français, on n'a jamais dit ça, des choses pareilles en français. La salive. La salive, c'était un mot qu'on trouvait chez les médecins ou bien dans des textes obscènes. Là, non, c'est un texte quand même où il évoque des relations amoureuses. L'écriture, pour Casanova, ça a été la dernière forme de jouissance, Gérard Laouetti. Il ne faut aucun doute, il le dit. Alors je vais essayer, je cite de mémoire. Donc, pour que mon plaisir soit complet, j'ai besoin de détails, même si ces détails ne sont pas utiles au lecteur, moi j'en ai besoin, allons-y. Je cite vraiment très approximativement. Et là, on comprend qu'il y a une fonction auto-érotique de l'écriture. Il dit ailleurs, ma vieille âme ne peut plus jouir que par réminiscence. Avec peut-être en filigrane des choses qui sont un peu plus délicates à évoquer, des choses comme des pratiques incestueuses, répétées, presque obsessionnelles, qui sont vraiment dans le texte. Nous allâmes nous asseoir dans une grotte où, d'abord que nous fûmes seuls, nous nous livrâmes au plaisir de nous appeler par les tendres noms de fille et de papa, qui nous autorisait à des privautés qui, quoique imparfaites, ne laissaient pas d'être criminelles. Déterminés à ne pas consommer le prétendu crime, nous le touchâmes de si près qu'un mouvement presque involontaire nous força à le consommer si complètement que nous n'aurions pas pu faire davantage si nous avions agi en conséquence d'un dessein prémédité dans toute la liberté de la raison. C'est-à-dire qu'il rencontre à plusieurs moments de sa vie des enfants, des filles qu'il a eues avec certaines de ses maîtresses et il tombe en fait amoureux de ses filles. Et il consomme l'inceste avec elles, voilà. Ah oui, j'hésite même à en parler dans les termes de Casanova. C'est-à-dire que Casanova n'hésite pas à dire que celle qu'il dit être sa fille, que ce soit vécu ou non, peu importe, c'est dans le texte. Celle qu'il appelle Sophie, donc, hein, il dit qu'il la voit âgée de 4 à 5 ans et qu'elle le trouble. Il y a une pédophilie indéniable, là, donc. Hein. Alors, ce qui est très troublant, c'est qu'il a écrit un roman assez étrange, une sorte d'utopie au centre de la Terre, et il évoque des scènes d'inceste dans ce roman exactement avec le même vocabulaire que celui qu'il utilise dans l'histoire de ma vie. Entre un frère et une sœur. Un frère et une sœur, voilà, c'est oui. Un inceste horizontal. Alors il y a beaucoup de situations incestueuses. Dès le début d'ailleurs de ses pratiques sexuelles, il n'a jamais autant de jouissance que quand il couche avec deux sœurs. Et un écrivain italien a dit, et je suis tout à fait d'accord avec lui, Leonardo Sciascia, qu'au fond c'était peut-être là, dans ce vertige de transgression incestueuse qu'était la raison profonde d'écrire de Casanova. Et alors Sciascia disait qu'à partir du moment où il l'a raconté, il a effectivement raconté un inceste, donc hein, complet, eh bien, il aurait perdu peut-être ce désir très profond d'écrire. Et le génie de Casanova, c'est que on a le sentiment que il nous entraîne là où nous ne voulons pas du tout aller. Il donne une telle tournure d'inconséquence, de légèreté, rien n'est important. Tout à coup, on a envie de réagir, de dire, mais qu'est-ce que je suis en train de lire, qu'est-ce qui me fait sourire là. Et si on rétablit les choses là, on a le sentiment que son talent consiste aussi à nous séduire. Le lecteur, il est aussi séduit par Casanova. Nous n'avions été amants que parce que nous n'avions fait aucun cas de l'amour. Mais nous avions l'un pour l'autre l'amitié la plus sincère. C'est vrai que dans la hiérarchie d'Ancien Régime fait que toutes les lois concernent le bas de la société et que les princes peuvent se permettre toute une série de choses qu'on reprocherait à leur domestique. Et donc, lui s'identifie avec ces classes supérieures de la population, donc il se prétend un peu au-dessus de la loi et au-dessus des lois. Une sorte d'Arlequin des Lumières, parfois, parce qu'il est teinté de philosophie, il a beaucoup lu Casanova, on l'oublie, lui ne l'a pas oublié, il a beaucoup retenu, il connaît les classiques par cœur, il est capable de les citer, donc c'est quelqu'un qui pense aussi son écriture, il sait comment, et qui prend des risques en écrivant. Il va au-delà de toute bienséance, et dans la provocation, j'ai souvent l'impression qu'il construit une utopie politique, une utopie morale, une utopie sociale, en réaction peut-être à ce qu'il est quand il est âgé ou à la Révolution française. Mais Casanova a-t-il conscience que le monde de l'Ancien Régime, qui a été le sien, est en train de s'écrouler définitivement ? Pas du tout, c'est scandaleux ce que vous dites. Mais ça le révulse. Il se bat avec cette idée d'un monde nouveau qui serait fondé sur l'égalité entre les êtres. S'il rédige l'histoire de ma vie, c'est aussi pour faire exister cette Europe aristocratique et princière qui est en train de craquer de partout, puisque ce qu'il apprend même à Doux, en Bohême, eh bien, c'est que un jeune général corse, qui ne parlait même pas bien italien, arrive avec son armée de va-nu-pieds à Venise, et c'est la fin de la République de Venise, hein, 1797. Et il survit quelques mois à ce drame. Donc oui, vous avez... À la fin de sa vie, un Casanova qui est confronté avec la fin de Venise, avec la fin de l'Europe aristocratique et libertine. Et il réagit peut-être par la littérature. Il s'enferme dans cet immense manuscrit que certains parfois trouvent un peu ressassé et redondant, mais qui est sa manière, avec panache et avec style, hein, de dire que dans sa mémoire, cette Europe-là continue à exister. Casanova, une émission de Françoise Esteb et Pascal Raillé, avec Michel Delon, professeur de littérature française à la Sorbonne, auteur de Casanova, histoire de sa vie, découverte Gallimard, Lydia Flemm, psychanalyste, auteur de Casanova, l'homme qui aimait vraiment les femmes, point seuil, Gérard Laouati, professeur de littérature française à l'université de Pau. Il prépare actuellement la nouvelle édition de Casanova pour la bibliothèque de la Pléiade. Et Jean-Didier Vincent, biologiste, auteur de Casanova ou la contagion du plaisir aux éditions Odile Jacob. Voix Césaré Capitani. Attaché d'émission, Laurence Genepin. Enregistrement, Benjamin Chauvin, Éric Damaggio. Mixage, Olivier Dupré. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 décembre 2012. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.